gnome dans la cour de l'école passe son temps à jouer. Il ignore encore quel sera son rôle dans ce monde où il s'est fait embarquer. Mais il a bien du temps avant qu'il ne soit grand. Profiter du présent, de la tendresse de ses parents. Croiser, chasser, vite envoler un regard et puis oublier. Mais où va donc ce gentil monsieur qui tient dans ses mains une fleur? Pourquoi a-t-il cette lueur dans les yeux? Pour qui fait-il battre son cœur? Mais il a ses raisons que nous ignorons. Mais peut-être que demain, ce sera à nous de tendre la main. Croiser, chasser, vite envoler un regard et puis faner. Une jeune fille assise sur le banc du square se refait une beauté. A-t-elle conscience en se regardant dans le miroir que le monde autour d'elle est animé? Mais elle semble dans sa bulle, rien ne la bouscule. Les passants autour d'elle la trouvent sûrement très belle. Croiser, chasser, vite envoler un regard un peu maquillé. Cette vieille dame qui promène son chien aux cheveux bleus argentés. Quel souvenir cache-t-elle dans son sac à main? Qu'a-t-elle vécu durant toutes ces années? On devine dans son regard la confiance et l'espoir qu'elle garde dans son cœur, le secret planqué du bonheur. Croiser, chasser, vite envoler un regard et puis effacer. Il m'arrive parfois d'observer les gens que je croise sur mon chemin. Un petit tour puis s'en vont avec le vent. À sa place, chacun poursuit son destin. Mais toi, tu es bien là, toujours auprès de moi. Je partage cet amour un petit peu tous les jours. Croiser, désirer, vite accrocher un regard et puis t'es resté.